En Corée, le reboisement printanier bat son plein. Dans la ville de Pyongyang, on a planté plus de 3,8 millions d'arbres au haut lieu révolutionnaire de Mangyongdae, sur la colline Moran et aux autres endroits de repos culturel, alors que la province du Fang et du Nord, des dizaines de millions d'arbres sur la superficie de plus de 12 600 hectares, la province du Gangwon, plus de 20 millions d'arbres en 15 jours, la province de Hamgyong du Nord, plus de 17 millions d'arbres comme mélèze tansong, pimpignon et châtaignier oléagineux en une vingtaine de jours. La ville de Nampo a accompli son plan de reboisement printanier jusqu'à la fin du mois de mars et la province du Fang et du Sud est en étape finale.